Prisonnier, yeah, FRG, yeah, car vous êtes, yeah, 2009, ok papé. Je ne sais pas pourquoi, y'a plus d'une fois où je pense à me suicider, y'a pas de surprise, mon life est fini d'avance. J'ai pas un atout à mon actif et je me sens comme un déchet de l'humanité, comme si j'étais abandonné, parce que je crois que je suis une erreur de la nature. Je me sens maudit tout au fond de moi, car la vie n'a plus de sens à mes yeux. Je ne sais même pas si un jour je travaillerai avec succès, car je sais même pas si je ramènerai déjà de l'argent à la maison. Car le taf c'est la misère, car je suis en galère. Rien que d'y penser, je me sens noyé dans une souffrance insoutenable. Lola est partie, comme toi Amandine. Je déprime et je suis en pleine dépression, parce que plein de soupçons, plein au-dessus de moi, plein de trucs qui font que je me sens pas très bien dans ma tête. Comme Soprano, j'ai passé mes nuits sur PES, et je m'amuse à attendre un espoir d'un SOS. Là l'espoir d'une dernière jeunesse, car je sais qu'aujourd'hui j'ai pu faire des erreurs. FRG prend de l'eau et va bientôt couler. Si tout ça continue à avancer comme un cauchemar, je voudrais me réveiller, mais au fond de moi j'ai plein de regrets. Rien qu'une fois, je te demande pardon Seigneur, je te demande une autre chance qui ne viendra jamais. On est des humains, l'erreur est humaine, mais voilà c'est comme ça et la vie est ainsi. Il y a quelques temps je t'aurais dit que cet album c'est de la merde. Je pense que beaucoup doivent dire de même, je le conçois et je le respecte. Je peux avouer que je suis une loque, je suis pas un beau gosse, loin de cela. Je suis pas le plus intello, loin de cela. Je vogue en plein océan pour éviter de me faire écraser. Pour ceux qui me profitent, mon cœur est gorgé d'eau à force de me noyer. Et alors ma life serait bien terminée. Je pense alors à vous, car cette zik c'est comme un testament. J'espère que tu me comprends, alors là je serai heureux. Car dans la maison du Seigneur, car sur terre je me sens comme un prisonnier. Un prisonnier de cœur, t'entends? Un prisonnier de cœur, t'entends? Yeah. Y'a plus d'espoir pour moi. Je me sens noyé dans une souffrance insoutenable. Dis-moi Seigneur, est-ce que j'ai encore le don de vivre? Dis-moi Seigneur, parce que je n'oublie surtout pas mes galères, ni mes misères, ni mes poteaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, parce que les années passent. C'est parce que les ovnis prépassent aussi. Alors je reste sur mon vécu, parce que je m'en sers. Je m'en sers pour me défoncer. Putain mec, regarde quand tu vois des mecs comme Sarkozy qui touchent 20 000 euros, toi tu dois trimer toute la life. Putain, nous obligés de plonger dans l'illicite. Et après c'est quoi? Après, c'est les schmitts qui nous défoncent? C'est l'État qui nous défonce? C'est qui nous défonce? On se fait défoncer dans tous les coins. Et encore, nous ça va, parce qu'on a des bourges encore dans une putain de cité. Mais imagine des cités en France où ils sont tous rejetés, aucun bourge. Limite ils mettraient des couvercles comme dans Molly 13. Ils feraient tout péter. Moi je dis c'est indigne. Indigne. Alors vive les cités, vive les ghettos. Parce que nous là au moins, on sait vivre. On sait vivre. Et ça c'est un message perso pour le monsieur le président. Nous les jeunes, le point levé, ensemble.